jusqu'à 22h. Michel Marcon au microphone, Jean-Philippe Boisbriand fait comme d'habitude tout le reste, la mise en onde et quoi d'autre, le chapeau. Aujourd'hui, quoi, une émission éclectique qui commence avec un bloc avec un petit peu d'électronique, un peu d'électronique vintage, même pas mal d'électronique avec l'ensemble d'ondes de Montréal, entre autres, du Roge, du Plone, du Matmos et toutes sortes de choses. Et ensuite, on passe à la nouvelle chanson française. Avec quoi, qu'est-ce qu'on aura? June et Jim, Midget, Laetitia, Sadier, etc. Ah, c'est Jérôme Minière. Bonjour, Jérôme. Et nous terminerons avec quelque chose d'un petit peu plus country, mais on y va tout de suite. All circles vanish. Thank you. ben ça commençait comme ça, avec un petit peu d'électronique, du space out, comme dirait Jean-Philippe, qui s'y connaît en space out. On commençait avec l'ensemble d'ondes de Montréal qui nous faisait Messiaen fête des belles eaux 3, les fusées. Sur Olivier Messiaen, Fête des belles eaux, un truc de 2008. Groupe fort intéressant, qui joue des ondes Martenot. Ça a été fondé en 76. On y retrouve quatre dames, Estelle Lemire, Suzanne Binet-Audet, Geneviève Grenier, Marie Bernard et Louise Larose et Jean Laurendeau se joignent à eux pour la Fête des belles eaux. Très, très chouette. Puis, est-ce que c'était la première fois qu'on mettait ça, Jean-Philippe? Hey, non. John Brooks suivait avec Hypnotic Light sur Music from Thomas Carnacki. John Brooks, c'est un compositeur. Il y avait le Café Caput. C'est une compagnie de disques. Puis il a été un ingénieur pour Trunk Record. Mais pas une tonne d'informations sur lui. Raj suivait avec Sighting in Corridor 12, The Transactional Dharma of Raj de 2009. Raj, ben, il vient de où? Ouais, c'est ça, c'était de l'ancien clavieriste de Broadcast, Raj Stevens. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Plone qui nous faisait Smile Song sur Second Album. Puis Plone, il sort de où? De Birmingham, en Angleterre. Puis ils ont l'air d'être trois, parce qu'ils en mettent trois sur la photo. Moi, c'est ce que je me dis. Quand j'en vois trois sur la photo, je me dis qu'ils sont trois. Ah, mais il y en a un de décédé, me dit Jean-Philippe. Donc, ils étaient trois. And then they were two. Matmos nous faisait Cloud Hoppers sur Supreme Balloon de 2008. Matmos qui eux aussi sortent de San Francisco. Sont des habitués de notre émission, le duo de San Francisco. Fridge nous faisait Harmonix sur l'album Happiness de l'an 2000. Puis eux, ils viennent de Putney. C'est un quartier de Londres, en Angleterre. Puis il y a qui là-dedans? Kieran Ebden, Adam Heelan, Sam Jeffers. Ensuite, Asmus Chechens et Terry Burrows nous faisaient sans titre sur Watching the Burning Bride de 86. Et on a eu à nouveau Broadcast and the Focus Group 2B Colony sur Investigate White Cults of the Radio Age. Roger est revenu avec Morning Break. John Brooks est revenu avec Points and Veils. Et Harmonic 33 nous a fait Carousel. Et nous avons terminé avec Oval qui nous faisait Bounce Stiff sur l'album One Town de 1993. Et ensuite, on va aller à la chanson française. Nouvelle. Nous sommes fiers et calmes, elles sont. Organisation à un niveau la sève qui monte de la vitalité. J'espère que je ne te fais pas la morale. Tu sais, je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sape pas le moral. Je raconte juste ce que je vois. Des bouts de phrases ramassés dans des téléphones, des photos d'amis à faune, le bombardement d'informations qui s'élance dans toutes les directions. Des pigeons qui s'envolent, un couple qui traverse l'avenue, un camion qui vrombit, des gens qui marchent funambules sur le fil téléphonique de messages contradictoires. Les micro-moments de gloire, un message raciste sur un mur soudain devenu si triste. Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie et moi qui sors de ma réserve. J'espère que je ne te fais pas la morale. Tu sais, je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sape pas le moral. Je raconte juste ce que je vois. Le commencement du jour est sans mémoire. Il repose sur la table des constellations. Une forêt d'un bleu sombre sur une carte postale sans adresse. Le commencement du jour n'est que paresse qui repose sur le dos de nos ivresses. Espèce menacée et toutes les énigmes semblent résolues dans des concours de popularité. Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie et moi qui sors de ma réserve.

c'est comme ça que ça continuait. On est passé de l'électronique un peu à la chanson, nouvelle chanson française, en grande, grande partie, avec plusieurs personnes qu'on aime bien. On a commencé avec June et Jim. June et Jim, qui nous faisaient fiers et calmes sur notre chez primaire. Ils sortent de où? June, c'est Marion Cousin, et Jim, c'est Borja Flames. Ça débute en 2006 à Barcelone, l'histoire. C'est un duo franco-espagnol. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ils ont éprouvé le besoin de jouer à Paris, ce qui peut être souvent une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de salles et beaucoup de public potentiel. Puis ils sont produits donc sur de nombreuses salles de la capitale. Puis il y a Igor Estrabol qui joue avec eux, Renaud Cousin. Puis ça a pris, ouais, c'est peut-être Borja Flames. Flames, c'est ça. Et leur premier album voit le jour et s'appelle L'Effort. Puis c'est extrêmement plaisant. Midget suivait avec Sans Ombre, Cristal, sur un album qui s'appelle Bois et Charbon de 2014. Alors, il y a Claire Vaillé dans ce groupe qui déclame, qu'est-ce qu'on dit? On dit déclame une, sur les musicophages, déclame une poésie en français sur fond de musique crimsonienne, ferme d'été, joli suit, le premier titre extrait d'un album à paraître. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, il est paru. Il est paru, c'est ça, alors le duo, elle forme un duo avec qui? Moki, voilà, qui va revenir un petit peu plus tard, comme vous verrez. Laetitia Sadier nous faisait Committed sur Find Me, Finding You. Laetitia Sadier, qui, évidemment, est chanteuse de Stereolab, elle a été longtemps, elle a travaillé avec Tim Gain, entre autres. Puis, Stereolab, c'est un groupe qui jouit d'une certaine réputation, dont au Québec. C'est ça parce que je connais plein de gens qui se promenaient même avec des t-shirts Stereolab, pour vous dire à quel point c'est aussi populaire que le Che ici. Ah non, j'ai peut-être vu plus de t-shirts du Che finalement. Bon, on reprendra là-dessus. C'est ça, Stereolab, ça continue, Jean-Philippe? Oui et non. Voilà, ça c'est une réponse que j'aime beaucoup. Oui et non. Et on est passé à La vérité est une espèce menacée. C'est Jérôme Minière qui vient de sortir un album qui s'appelle Dans la forêt numérique. Jérôme Minière qui a fait beaucoup de très bonnes choses. C'est un chanteur qui est né et artiste pluridisciplinaire franco-québécois, dit-on, originaire d'Orléans, mais qui vit à Montréal. Puis il a passé son enfance, son adolescence à Orléans, mais maintenant, depuis plusieurs années, il est fixé à Montréal. Puis là, semble-t-il qu'il a quitté son ancienne maison de disques, puis qu'il se produit tout seul comme ça. Et ça peut être parfois une bonne idée. Déjà qu'il était assez, je pense, indépendant dans sa façon de voir la musique, il l'est possiblement encore plus maintenant. Et dans le cas de Jérôme Minière, ça peut être une très très bonne chose. L'air de la vie, c'est une pièce de Holden qui suivait sur l'album Sidération de 2013. Holden, ce sont des habitués de l'émission. On en a mis régulièrement. Alors on retrouve Dominique Després, justement alias Moki, à la guitare, et Armel Pioline qui chante. Le groupe est formé en 98. En fait, ça c'est un petit peu drôle, parce qu'on va dire quelque part depuis 97 et ailleurs 98. Alors je les appellerai tout à l'heure pour savoir qu'est-ce qui est vrai. Comme il sera quelque chose comme 4 heures du matin, ça se peut que leur réponse soit floue et qu'on en revienne à 97 ou 98. Alors, ils ont travaillé avec toutes sortes de monde. Entre autres, tantôt, qu'est-ce que je voyais? Oui, avec Huey Schmidt, alias Atom, qui a mixé l'album Pedro Lira de 2002. Puis, ils se sont découverts donc une affinité avec le Chili depuis ce temps-là. Le Chili qui a produit quand même plusieurs artistes aussi intéressants. Pas autant que le Brésil, peut-être, mais il y a des trucs qui se passent là aussi. Et ils sont donc trouvé une très jolie affinité avec le Chili. Oui, j'allais dire le Brésil, mais c'est le Chili. Alt nous faisait Après quoi nous avons ri sur l'album La Langue de 2010. Ça, à une certaine époque, pardon, on en mettait assez régulièrement. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas mis. À la base, un duo avec Héloïse Decaze au chant et Sing Sing au chant et à la guitare. C'est Sing Sing qui écrit les chansons. Comme par hasard, ils sont rejoints par qui à la guitare, parfois? Oui, j'en fais des petits souris par moquerie. Voilà, et comme ça, on arrive à boucler la boucle assez facilement avec tout ça. Là, maintenant, on s'en va vers du plus country, un peu plus western country, avec il y a Blaise Veluto Collection qui sur l'album Weatherman, Transformers, Country Teaser, The Abigails, et d'autres, mais on y va. Oh, country post-punk, me dit Jean-Philippe. Voilà, qui est bien défini. Comme vous le savez, vous connaissez tout à fait notre définition. Avant le punk, c'était pré-punk. Pendant le punk, c'était punk. Et après le punk, c'est post-punk. Et il n'y a rien de plus simple. Thank you. tell whatever lie it takes to get what you can. Save your soul. Lies make my world a happy place to be. I lie to the Ben, c'est comme ça que ça se terminait, notre émission. Alex Bélanger est là, en remplacement de Benoît Arcand pour faire Terrain Vague. En fait, c'est lui qui anime, mais Benoît lui a envoyé une petite liste musicale. Alors, ils vont s'amuser avec ça. En fait, il va s'amuser avec ça avant de faire son émission à lui, L'agression par le son. Dingo Dingo, c'est comme ça que ça a commencé avec The Blaze Veluto Collection, l'album Weatherman de 2017. Beaucoup, beaucoup de bonnes choses sur cet album. C'est vraiment quelque chose qui devrait être diffusé plus largement, diffusé beaucoup. La pièce qu'on a entendue, il y a une espèce de mélange de lounge et de trucs un peu 70, mais pas que ça. Pas que ça, ça va plus loin. Il a travaillé avec les gens de Call Me Poupée, Poupée et Ken Fortrell, et aussi avec Guillaume Chiasson de Ponctuation, groupe dont il a fait partie, ou il fait peut-être encore partie parfois, je ne sais pas. Il faudra qu'on l'appelle puis qu'on aille... parfois, on peut le croiser dans les mois doux, comme ça, j'ai lui demandé « Hey, Ponctuation, qu'est-ce qui se passe avec ça? » Puis peut-être qu'il me répondra pas, je ne sais pas. Écoutez, la question se pose. Mais dans somme toute, tout ça pour dire que c'est vraiment un excellent album. Transformers nous faisait Dream Train sur Dixie Crystals de 2014. Transformers, il y a un son, il y a un son là-dedans. Aussi, comment il s'appelle, Dave Samek. Dave Samek, c'est ça qui... ouais, il vient de Venice Beach. En fait, il travaille beaucoup à Venice Beach, puis à Altadena aussi. Alors, The Transformer, qu'on a mis... Transformers, pardon, qu'on a mis quelquefois. Puis Country Teasers suivait avec la pièce Lies sur Satan Is Real Again or Feeling Good About Bad Thoughts de 1996. Eux se reconnaissent beaucoup avec la voix de Ben Waters, leur chanteur. Ils jouent dans le... Ça peut avoir l'air country parfois. Ça peut être rock, un peu rap, des fois électro peut-être, mais ce qu'on a mis le plus souvent, et même post-punk, c'est ça. Puis Ben Waters, maintenant, qui joue en solo sur le nom de The Rebel. On dit qu'il y a un style plus minimaliste que les Country Teasers. Voilà. Pompe. Ensuite, The Abigails nous faisait The Maze sur l'album Tundra de 2014. The Abigails, c'est un groupe de Californie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Il n'y avait pas une tonne de trucs. On parle de Dark Country Sound. Ce que c'est un peu vrai. Voilà, et le Red Velvet était là avec Going Down South sur l'album Rude Angel de 2000. Puis on a eu comment Rue Waddell qui nous faisait Go to Satan. c'est joli. Oh, sur une compilation qui s'appelle Oh God, Mother Blood, Vaccination Records Company, un truc paru en 1997. Et pour bien faire, on a fini avec The Gorries qui nous faisait I Think I've Had It sur un album, oui, qui s'appelle I Know You'll Be House Rocking de 1994. The Gorries, c'est un groupe garage américain qui est le groupe préféré de nos amis, comme ça. Ils viennent de Détroit au Michigan, puis ont commencé en 86 jusqu'en 93 et ils ont repris en 2009. Ils sont encore actifs, semble-t-il. Alors nous, qu'est-ce qui nous reste à vous dire? Ben effectivement, on a des émissions de prête pour le temps des fêtes, mais nous, on sera pas là, on va être quelque part. Je sais pas où on va être. Vous savez, la vie est si complexe, mais somme toute, ça me permet quand même de pouvoir vous dire tout simplement à la semaine prochaine.